Chapitre 23e. Le grand départ. Le surlendemain, jour de marché, Manon rencontra une cliente qui s'était prise d'affection pour elle. Cette femme, épouse d'un greffier, lui apprit en confidence qu'une instruction avait été ouverte sur le suicide de Béranger, geste fortement suspect et dans lequel Anicet semblait directement impliqué. De même, la justice avait établi une possible relation entre les deux morts de la rue du Séminaire et l'attaque qu'ils avaient perpétrée au domicile du tapissier quelque temps avant. « Vous devriez vous méfier avec ton patron, » affirma-t-elle. « Ils vont bien finir par pondre une inculpation quelconque. » Cet avertissement n'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Dès son retour du marché, Manon réunit ses amis et leur fit part de ce qu'elle avait appris. « Tu vois, » dit Anicet, la mine basse, « je savais bien que tôt ou tard nous finirions par être impliqués. » « Je crois, les amis, que le moment est venu pour nous de lever le camp. J'ai déjà payé le terme et les taxes du mois en cours. De ce côté-là, je suis en règle. »« Je vais faire pareil, » affirma Corentin. « Moi aussi, » dit Hyacinthe. « Moi, je paye d'avance, alors je suis déjà quitte, » déclara Jeannine. « Eh bien, c'est parfait. Nous partirons sans laisser de dette, » conclut Anicet. Il restait une petite formalité à accomplir. Jeanne et Angèle allèrent porter quelques fleurs sur la tombe de Béranger, au cimetière Saint-Pierre. La justice ayant conjecturé qu'il avait été pendu par les agresseurs qui avaient saccagé son atelier, le curé avait consenti à l'inhumer chrétiennement. Debout toutes les deux, serrées l'une contre l'autre, la tête baissée devant la tombe, elles restèrent muettes pendant un long moment. Puis Jeanne prit la main d'Angèle et lui dit à voix basse « Je dois t'avouer une chose que j'ai gardée pour moi, une chose que m'a dite Béranger. Quand Manon est allée au Pinchina avec Anicet, un homme a voulu la violer sur la charrette. « Oh mon Dieu !» soupira Angèle. « Eh ben, elle lui a cassé la tête d'un coup de crosse, et ça, elle n'a pas osé nous le raconter. Tu comprends pourquoi elle n'a pas été dans son assiette pendant un certain temps ? Ça ne fait pas d'elle une criminelle. Elle a eu du courage. J'aurais dû faire la même chose, quitte à y laisser la vie. »« Ah bah, tu aurais fait la même chose. Et avec quoi ? Toi qui trembles comme une feuille dès que tu vois un pistolet. » Angèle fit face à Jeanne et lui jeta un regard dur de ses yeux verts, lui demanda, intriguée, « Et pourquoi tu me racontes ça ? C'est pour que j'ai des remords, dis ? « Mais non, Bécasse, c'est pour que tu comprennes que Manon et Anicet ne doivent pas dormir tranquilles toutes les nuits. Ah, si ça ne tenait qu'à moi, t'es, pour les mettre à l'abri, je les enverrais de l'autre côté de la mer. Remarque, la mer, je ne l'ai jamais vue. Mon mari disait que c'était tout plat et tellement grand qu'on n'en voyait pas le bout. » Angèle hocha la tête pour montrer qu'elle imaginait la chose, car elle non plus n'avait jamais vu la mer. Elle ajouta « C'est pour ça que les Marseillais se croient forts et nous prennent pour des ânes. Eux, ils la voient tous les jours, la mer. » Tout à coup, une idée traversa la cervelle de Jeanne. « Tu crois qu'il nous entend, Béranger, parler de nos bêtises ? Mais bien sûr, et nous ne disons rien de mal. Moi, je crois que son esprit est bien loin, quelque part, là-haut, » fit-elle en montrant le ciel. « C'est dommage, tout de même, » murmura-t-elle en guise de conclusion. « Je suis la dernière à l'avoir vu vivant. Je suis sûr qu'il serait aussi venu avec nous. Mais il viendra avec nous, Jeanne, » répondit Angèle, « et il nous protégera, j'en suis certaine. » Pour cacher leur trésor, Hyacinthe avait fabriqué de larges ceintures de cuir épais munies de poches. Le gros des écus fut réparti entre Corentin et Anicet, qui dissimulèrent les ceintures sous leurs chemises en jurant de ne jamais s'en séparer. Hyacinthe garda sur lui une petite bourse pour les menus paiements. Le départ de la diligence avait lieu à 6 heures pétantes. Pour ne pas risquer de la rater, les amis décidèrent de passer la nuit au gîte du relais de poste. Durant la journée qui précéda le départ, pour ne pas attirer l'attention, Corentin et Anicet chargèrent tous les bagages sur le charton, sous une bâche, et les amenèrent au relais, sous la garde du maître de poste. Ainsi, c'est par petits groupes séparés et bras dessous qu'ils se rendirent à l'auberge vers 7 heures du soir. Un peu avant 6 heures du matin, pâle d'appréhension et du manque de sommeil, les amis montèrent dans la diligence. Les deux couples prirent place dans la partie centrale, sur les deux banquettes en vis-à-vis. Jeanne, Angèle et Hyacinthe s'assirent dans la rotonde à l'arrière du véhicule. Ainsi, en cas de pluie, tous étaient à l'abri. Le maître de poste, personnage ventripotent et imposant, vint vérifier le nombre et l'identité des passagers. Immédiatement, il fit descendre Anicet et Corentin, leur demanda de prendre place dans la rotonde alors que Jeanne et Angèle furent priés de s'asseoir à côté de Manon et Armande dans la partie centrale. « Un peu de galanterie, citoyens, si vous ne voulez pas retrouver vos amis ratatinés comme des vieilles figues. Quand le soleil tape, la rotonde, ce n'est pas l'idéal. » Il avait remarqué les crosses des pistolets qui dépassaient des tailloles des deux artisans. « Vous savez vous en servir au moins ? » demanda-t-il d'un ton supérieur et narquois. « Peut-être mieux que vous, citoyen, » repartit Anicet, crânement. « Là n'est pas la question, » rétorqua l'homme. « Je vous demande simplement de ne pas me tuer un passager. » Manon et Armande, armées chacune d'un pistolet, l'avaient caché sous leur robe. L'armement de la troupe se montait donc à 7 pistolets, Hyacinthe cachant le sien derrière son gilet. Juste avant de partir, un gros homme bedonnant et chauve vint s'asseoir à côté de Jeanne. Les amis l'avaient remarqué dans la cour et Hyacinthe était tombé en admiration devant ses bottes. « De la belle ouvrage, » avait-il déclaré, « un bon mois de salaire. » Enfin, une femme entre deux âges, outrageusement maquillée et aux traits empâtés, prit place près d'Angèle. Dès qu'elle fut assise, une fragrance de patchouli aigre embauma le compartiment. Angèle, en catimini, tordit le nez pour montrer sa répulsion. Le postillon enfourcha le timonier et la diligence quitta doucement la cour pour descendre le cours et sortir d'Aix par la porte des Augustins. Puis elle prit la route de Saint-Cana. Passé le lieu-dit la Calade, un fumet d'oignon commença à graisser les narines des occupants du compartiment. Le gros homme montra son mécontentement en s'éventant ostensiblement de son mouchoir. Angèle fit un signe discret à Jeanne, assise en face d'elle, pour montrer que l'odeur venait de sa voisine. Les vitres étant ouvertes, on ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Aussi, quand on relaya pour la première fois à Saint-Cana et que la femme descendit, les autres poussèrent un ouf de soulagement. Le gros homme ouvrit les deux portières pour mieux aérer le compartiment. « Est-ce possible d'épudir au Comaco ?» s'écria-t-il. « Elle n'a pas dû se laver depuis un an. » Armande remarqua que la femme et le postillon s'esbignaient ensemble, ce qui renforça son idée sur la profession de la passagère. Après avoir soulagé quelques besoins naturels et bu un grand trait d'eau fraîche, chacun reprit sa place. Un autre postillon enfourcha sa monture et la diligence repartit vers Lambesque. À l'arrière, les trois amis conversaient gaiement et jouissaient du paysage. Le temps était au beau, la chaleur supportable et, somme toute, la promenade était agréable. « Alors qu'il est, si ça se trouve, on est peut-être venu m'arrêter, » plaisanta Anicet. À l'intérieur, le siège en face de lui étant libre, le gros homme demanda la permission de pouvoir étendre ses jambes en posant ses pieds sur la banquette. Il étendit un grand mouchoir en tissu provençal sur le coussin et y posa ses bottes avec satisfaction. « Vous comprenez ?» expliqua-t-il. « J'ai une mauvaise circulation du sang et au bout d'un moment, mes jambes gonflent. Merci de votre compréhension, mesdames. Vous êtes bien aimables. » Le voyage se déroula sans encombre jusqu'à Orgon où avait lieu la première nuitée. Ils arrivèrent avant la tombée du jour, la compagnie ne roulant pas de nuit. On avait parcouru environ 16 lieues dans la journée, ce qui faisait une très bonne moyenne. À l'auberge, les amis ne prirent que deux chambres par souci d'économie. Dans l'une, 4 paillasses étaient disposées et les femmes s'y arrangèrent pour la nuit. Les trois hommes prirent place dans la chambre d'en face. Le repas, une soupe roborative, leur coûta 3 sous et tout le monde regagna son galta après s'être souhaité la bonne nuit. Nuit qui ne fut pas si bonne que cela d'ailleurs, car les cloisons étant de planches, on arrivait à percevoir les ronflements venant du bout du couloir. Au matin, les hommes, galants, allèrent puiser 2 seaux d'eau dans la cour et les monter aux femmes qui purent faire leur toilette. Eux se rasèrent sommairement près du puits sans plus de façon. On repartit vers 6h30 avec un nouveau cocher et un nouveau postillon. Les deux hommes ne s'entendaient visiblement pas et faillirent en venir aux mains avant le départ. D'après ce que comprirent les passagers, il s'agissait d'une querelle à propos d'une femme que le postillon aurait levée à la barbe du cocher. À quelques toises seulement du départ, la diligence s'arrêta sous l'impulsion du postillon. Ce dernier venait de recevoir du cocher un coup de fouet donné, soi-disant par mégarde. Après une rapide empoignade et quelques horions, la diligence repartit. Peu avant Plan d'Orgon, la route se rétrécissait à la traversée d'un bois de chêne Kermès, et la diligence ne put plus rouler sur les bermes, ces bandes de terre bien plates de chaque côté de la route et plus confortables que le pavé. Soudain, 2 cavaliers masqués d'un foulard surgirent du bois et effrayèrent les chevaux de tête. Pour éviter que le timon ne se casse, postillon et cocher unirent leurs efforts pour calmer les bêtes. L'un des 2 cavaliers menaça le postillon de son pistolet et lui fit mettre pied à terre. Le cocher dut faire de même. 5 autres hommes se montrèrent alors, sortant du bois, sabre au clair, tous étaient masqués et avaient l'air de redoutables gueux. Celui qui devait être le chef ordonna à tous les passagers de descendre, d'un ton surexcité. « Dotez fora, c'est Nantoui le cocher !» Corentin et Anicet entendirent cet ordre. Ils sortirent prestement leurs pistolets et les armèrent, imités par Hyacinthe. À travers la cloison, Anicet prévint les femmes de ne pas descendre, mais d'armer leurs pistolets. « Il faut les surprendre et leur tirer dessus depuis la voiture, » leur dit-il. « Laissons-les s'approcher et attendez mon signal. »« Choisissez une cible, chacune son homme. » »« Il a raison, » dit le gros homme, gardant son calme. « Si nous descendons, ils vous verront sortir vos armes et vous perdrez l'effet de surprise. « J'espère que vous visez bien, » ajouta-t-il en sortant lui aussi un petit pistolet de sa poche. Le chef des brigands, voyant que rien ne bougeait, commença à s'exciter. Au geste nerveux de l'homme, à son ton haut perché et son impatience fébrile, le postillon vit bientôt que l'on avait affaire à des novices dans l'art de la détrousse. Leur allure annonçait des hommes jeunes, presque des gamins. « Alors, poutanière, annals descendre, banda de paysans ?» rugit le chef. Se disant, il déchargea son arme en tirant au hasard dans la diligence. Angèle poussa un seul cri et s'affaissa sur la banquette, les yeux révulsés. La balle, traversant la faible paroi de bois, venait de l'atteindre en pleine poitrine. Son cri de douleur fut repris par des cris de haine. Corentin et Hyacinthe avaient reconnu la voix d'Angèle. Les assaillants se rapprochèrent. Alors les trois amis poussèrent un terrible hurlement et, sans quitter la diligence, firent feu par les ouvertures sur la bande de brigands. Manon, Armand et Jeanne firent de même, avec l'effroyable rage de tuer. En l'espace de quelques secondes, quatre corps jonchèrent le sol. Certains gémissaient faiblement, un autre hurlait de douleur. Le chef, indemne, faisait tourner son cheval en rond sans arriver à prendre une décision. L'autre brigand rescapé se rapprocha de lui, attendant peut-être un ordre. Remonté sur son siège, le cocher sortit de dessous la banquette d'un mousquet chargé à mitraille, avec lequel il abattit d'un seul coup les deux hommes, presque à bout portant. On entendit alors des pleurs déchirants à l'intérieur de la diligence. Jeanne se lamentait sur la mort d'Angèle, victime innocente de jeunes assassins. Tous descendirent de la diligence dans un état d'hébétude complet. Hyacinthe remonta auprès de Jeanne et prit le corps d'Angèle dans ses bras. Dans un réflexe de désespoir et d'affection sans bornes, il entoura aussi les épaules de Jeanne, qui lui prit les mains pour partager leur peine. Corentin et Anicet avaient rechargé leurs pistolets. Le postillon acheva le cheval blessé du chef, avec un pistolet emprunté à Corentin. Il remarqua haute voix que la bête était un animal de prix, qui devait appartenir à quelqu'un de la haute, dit-il. « Il nous a traités de paysans, » remarqua le gros homme. « C'était peut-être de jeunes ci-devant. »« Ci-devant ou pas, ils sont maintenant à de patresse, » affirma le cocher. « Et je préfère que ce soit eux plutôt que nous, » ajouta-t-il en ricanant. « Ce sont des enfants, » déplora Armande, encore sous le choc. « Des enfants, » grommela Nisset, « ce sont plutôt des assassins, oui. »« Et nous, qu'est-ce que nous sommes ?» repartit Armande d'un ton aigre. Manon, toujours son pistolet à la main, s'approcha du cadavre du chef. Elle lui enleva le foulard qu'il avait sur le visage. « C'est toi qui as tué Angèle, chien pourri, tiens » dit-elle en lui crachant au visage. « Manon !» s'écria Nisset, « c'est indigne de toi. » Le gros homme s'approcha. « Laisse-la faire, citoyen. » « Il faut bien que la rage sorte. »« Ton pistolet est-il rechargé ?» demanda-t-il. « Le mien est vide. » Anicet acquiesça et lui tendit l'arme, en confiance. L'homme se dirigea alors près du brigand touché à côté du chef. La mitraille lui avait déchiré le ventre. Il perdait ses entrailles dans une souffrance abominable. Sans prévenir, le gros homme sortit le pistolet qu'il avait caché derrière son dos et lui logea une balle en plein cœur. Armande fit un bond en arrière, saisie autant par le bruit que par le geste. « Pardonnez-moi, » dit l'homme, « mais il n'y a pas que les chevaux qu'il faut achever. En 15 ans de campagne, j'ai eu plusieurs fois à effectuer ce geste. J'espère bien que ce sera la dernière fois de ma vie. » Puis voyant que sa remarque suscitait la curiosité, il ajouta, « Oui, il faut que je vous dise que j'étais commandant dans le Royal Marine. Donc vous devez être fidèle à la monarchie, » lança Anicet. « Mon pauvre ami, » repartit le commandant, « j'essaie d'être fidèle à moi-même, et c'est déjà bien assez difficile. » « Bon, » intervint le cocher, « nous n'allons pas moisir ici. Il va falloir reprendre la route. Nous avons perdu près d'une demi-heure. » Corentin s'offusqua. « Nous n'allons tout de même pas laisser des morts au beau milieu du chemin. »« Il a raison, » confirma le commandant. « Tirons-les à couvert et mettons-les dans le bois. » Ainsi fut fait. Mais pour le cheval, on eut besoin de toutes les forces, rien n'étant plus lourd qu'une bête morte. Jeanne était restée dans la diligence avec Angèle dans ses bras. La question ne se posa même pas. Le corps d'Angèle serait transporté jusqu'à la prochaine étape. Sans que les protagonistes y eussent réfléchi, le compartiment central de la diligence se transforma en chambre mortuaire. Le commandant monta dans la rotonde avec Corentin et Anicet Pour préserver une certaine intimité, Hyacinthe prit place aux côtés de Jeanne. On étendit un linge sous le corps d'Angèle et une couverture roulée lui servit d'oreiller. Jeanne était déchirée de chagrin. « Dieu n'est pas juste. Il a pris la meilleure d'entre nous, » sanglotait-elle. « Mais non, Jeanne, » répondit doucement Hyacinthe, « bien au contraire. Angèle voulait être auprès du Seigneur. Maintenant elle y est et nul doute qu'elle soit au paradis avec les anges. Tu ne dois pas te désoler, Jeanne. Je suis sûr que c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Regarde comme elle a l'air apaisée. On dira presque qu'elle va nous sourire. Elle fera toujours partie du voyage, dans nos cœurs. » « Tu es bon, Hyacinthe, » murmura Jeanne en laissant aller sa tête sur l'épaule du cordonnier. « Mais qu'est-ce que nous allons faire d'elle ?» Armande, dans son coin, soliloquait. « Je n'en ai tué qu'un, mais Dieu de Dieu, j'en aurais bien tué 10. Je dois devenir folle. » Avant d'arriver à Saint-Andiol, tous s'entendirent sur la version des faits à présenter au maître de poste. « Faites disparaître vos armes et mettez-les dans vos bagages, » conseilla le commandant. « Nous dirons que nous avons été attaqués par une bande de pillards qui ont tué une passagère. » proposa le cocher. Nous avons réussi à prendre la fuite et la bande a dû continuer de perpétrer ses forfaits sur d'autres diligences. Bien dit, garçon, ajouta le commandant. Les bandits ont pu tout aussi bien être tués par les occupants d'une diligence voyageant en sens inverse, ce qui expliquera au maître de poste qu'il n'a pu en être informé que tardivement. C'est plausible, confirma Corentin. Mais pourquoi ne disons-nous pas simplement la vérité? S'étonna Armande. Le commandant lui répondit. Citoyenne, personnellement, je trouverais un peu louche qu'une bande d'amis se promenât avec un armement aussi impressionnant. Cela pourrait paraître suspect et sentir la préméditation à plein nez. Oui, et en plus, avec des armes manipulées par des gens qui visent aussi bien, ricana le postillon. Arrivé à l'étape de Saint-Andiol, Corentin et Anicet, accompagnés du commandant, allèrent trouver le maître de poste pour lui raconter l'épisode dramatique. Leur récit fut confirmé par le cocher et le postillon. Un seul mort? Vous en êtes bien tiré. Cette bande assaille les diligences depuis un moment comme des bêtes d'apocalypse. Tant qu'on ne leur aura pas troué la peau autour du cou, la région ne sera pas tranquille. Personne n'osa préciser que le pays serait apaisé pour un bon moment, avant que d'autres forbans ne prennent la relève. Comme il était hors de question de continuer à transporter le cadavre d'Angèle, la bande d'amis décida de rester au moins une journée à Saint-Andiol pour inhumer leur ami. Après avoir fait leurs adieux au commandant, les amis se rendirent en délégation auprès du curé de la paroisse. Ce dernier consentit, bien qu'il ne fût pas de ses ouailles, à dire une messe de requiem pour Angèle et à procéder à son inhumation dans le cimetière derrière l'église. Jeanne crut bon d'avouer au père qu'Angèle était une sœur carmélite en fuite, faute de communauté pour l'accueillir. « Ne vous tourmentez plus, ma fille. Votre amie, notre sœur, a maintenant trouvé sa communauté. C'est celle de Dieu, le Père Tout-Puissant. » Après la cérémonie, Jeanne eut un dilemme de conscience. Fallait-il qu'elle continuât avec les autres ou ne valait-il pas mieux qu'elle restât à Saint-Andiol pour être plus près de la dernière demeure d'Angèle? Aux récriminations de ses amis, Jeanne affirma qu'elle trouverait toujours un travail et un trou pour se loger. Qu'en avait-elle à faire maintenant d'être ici ou ailleurs? Devant son désespoir, Hyacinthe s'offrit à rester avec elle. Lui aussi, après tout, serait tout aussi bien auprès de Jeanne, pour laquelle il s'était pris d'une réelle affection. Les deux jeunes couples n'en auraient que plus de moyens pour continuer leur voyage. Ils restèrent tard le soir près du cimetière à peser le pour et le contre. Hyacinthe sentait la résolution de plus en plus ferme de Jeanne. Voulant rester avec elle, il fit valoir l'argument que tous les deux finiraient par être un poids mort pour les deux couples, les empêchant peut-être de se bâtir un nouvel avenir. Hyacinthe avait dans les mains un métier qui pouvait s'exercer ici aussi bien qu'ailleurs et qui demandait peu d'espace. Ils gagnèrent bien de quoi ne pas mourir de faim. Finalement, on rentra à l'auberge avec la résolution de se séparer le lendemain. Hyacinthe dut, par force, accepter de la part de Corentin un petit pécule rondelet qui leur permettrait de s'installer sans crier famine. Implicitement, Jeanne acceptait donc de vivre maritalement avec Hyacinthe, c'était dans l'ordre des choses. La nuit fut agitée dans les esprits. Pour la première fois, chacun prenait conscience que le tournant de sa vie se situait là, dans ce village près d'Avignon. Le véritable déchirement, la séparation des chemins, certainement irréversible, aurait lieu au matin, lorsque la diligence s'ébranlerait. Même Corentin et Anicet y allèrent de leurs larmes. Une page de leur vie se tournait. Les deux couples promirent à Jeanne et à Hyacinthe de leur écrire à l'adresse du relais de Saint-Andiol pour leur donner des nouvelles et leur annoncer leur nouvelle vie. Ceux qui restaient n'eurent pas la force d'assister au départ de la diligence. Ils se rendirent sur la tombe d'Angèle. Assis en tailleur devant la tombe, tous deux laissaient aller leurs pensées. Soudain, Hyacinthe réalisa qu'il ne pouvait pas rester à Saint-Andiol. On allait tôt ou tard découvrir les corps des bandits. Jeanne et lui étaient désormais les seuls témoins du drame. Tout naturellement, on les interrogerait, encore et encore, jusqu'à leur faire avouer n'importe quoi. Aussi Hyacinthe prit la décision de ne pas rester un jour de plus dans le village. Il fallait décamper, et vite. Il l'expliqua à Jeanne, qui partagea son avis. Tous deux retournèrent à l'auberge, firent rapidement leur paquet et prirent à pied la route de Saint-Rémy après avoir dit au maître de poste qu'ils se rendaient à Cavaillon, village à l'opposé de leur destination réelle. Ils parvinrent au but en fin d'après-midi, ayant bénéficié d'un temps clément et d'une température supportable. Une modeste auberge les accueillit et Hyacinthe décida d'utiliser quelques sous à faire un bon repas, histoire d'éloigner les pensées lugubres qui les assaillaient. Dès le lendemain, il chercherait s'il était possible d'ouvrir une échoppe de cordonnier ou de trouver un emploi quelconque. Pour brouiller les pistes, ils racontèrent à l'aubergiste qu'il venait d'Avignon, ville où jadis Jeanne avait vécu pendant 2 mois. Elle put ainsi, dans la conversation, faire allusion à des endroits qu'elle connaissait bien. Leurs dires ne suscitèrent donc aucun doute. Encouragé par la magnanimité de Hyacinthe, l'aubergiste offrit la goutte à la fin du repas. Il se laissa aller à des confidences. Sa femme l'avait quitté avec un sous-officier. Il avait du mal à faire marcher l'auberge. Sa servante était certes une brave fille, mais guère plus futée qu'une mule. Enhardie par le verre de genièvre qu'elle sirotait, Jeanne s'offrit à lui faire tourner la maison, comme elle disait. Les hommes ne lui faisaient pas peur et elle n'hésiterait pas à se montrer exigeante avec le personnel. Elle ne demanderait pas grand-chose. Le gîte et le couvert pour elle et son compagnon, ainsi que le local attenant à l'auberge pour que Hyacinthe puisse y installer une échoppe de cordonnier. L'aubergiste fut ravi et leur proposa de commencer dès le lendemain. Il avait l'air d'un brave homme, malmené par la vie, tout portait à croire qu'il était droit et honnête.